Ézéchiel chapitre 46. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, la porte du parvis intérieur, laquelle regarde l'Orient, sera fermée les six jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat, et pareillement elle sera ouverte le jour de la nouvelle lune. Et le prince y entrera par le chemin de l'allée de la porte du parvis extérieur, et se tiendra près de l'un des poteaux de l'autre porte, et les sacrificateurs prépareront son holocauste et ses sacrifices de prospérité, puis il se prosternera sur le seuil de cette autre porte, et ensuite il sortira, mais cette autre porte ne sera point fermée jusqu'au soir. Tellement que le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette autre porte-ci, les jours de sabbat et des nouvelles lunes. Or l'holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat, sera de six agneaux centaures, et d'un bélier centaure. Et le gâteau pour le bélier sera d'un épha, et le gâteau pour chacun des agneaux, sera selon ce qu'il pourra donner, mais il y aura un hin d'huile pour chaque épha. Et au jour de la nouvelle lune, son holocauste sera d'un jeune veau centaure, et de six agneaux et d'un bélier, aussi centaure. Et il offrira pour le gâteau du veau un épha, et pour le gâteau du bélier un autre épha, et pour chacun des agneaux selon ce qu'il pourra donner, mais il y aura un hin d'huile pour chaque épha. Et comme le prince sera entré au temple par le chemin de l'allée de cette même porte du parvis extérieur, laquelle regarde l'Orient, aussi sortira-t-il par le même chemin. Mais quand le peuple du pays entrera pour se présenter devant l'Éternel, au fait solennel, celui qui entrera par le chemin de la porte du septentrion pour y adorer l'Éternel, sortira par le chemin de la porte du midi, et celui qui entrera par le chemin de la porte du midi, sortira par le chemin de la porte qui regarde vers le septentrion, tellement que personne ne retournera par le chemin de la porte par laquelle il sera entré. Mais il sortira par celle qui est vis-à-vis. Alors le prince entrera parmi eux, quand ils entreront, et quand ils sortiront ensemble. Or, dans ces fêtes solennelles et dans ces solennités, le gâteau d'un veau sera d'un épha, et le gâteau d'un bélier d'un autre épha, et le gâteau de chacun des agneaux, sera selon que le prince pourra donner, et il y aura un hin d'huile pour chaque épha. Que si le prince offre un sacrifice volontaire, quelque holocauste, soit quelque sacrifice de prospérité en offrande volontaire à l'Éternel, on lui ouvrira la porte qui regarde l'Orient, et il offrira son holocauste et ses sacrifices de prospérité, comme il les offre le jour du sabbat, puis il sortira, et après qu'il sera sorti on fermera cette porte. Tu sacrifieras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an, centaure, tu le sacrifieras tous les matins. Tu offriras aussi tous les matins avec lui un gâteau fait de la sixième partie d'un épha, et de la troisième d'un hin d'huile, pour en détremper la fine farine. C'est là le gâteau continuel à l'Éternel, qu'il faut offrir par ordonnance perpétuelle. Ainsi on offrira tous les matins, en holocauste continuel, cet agneau, et ce gâteau détrempé avec cette huile. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, quand le prince aura fait un don de quelques pièces de son héritage à quelqu'un de ses fils, ce don appartiendra à ses fils, parce qu'ils ont droit de possession en l'héritage. Mais s'il fait un don de quelques pièces de son héritage à l'un de ses serviteurs, le don lui appartiendra bien, mais seulement jusqu'à l'an d'affranchissement, auquel il retournera au prince, car, quoi qu'il en soit, c'est son héritage qui appartient à ses fils, c'est pourquoi il leur demeurera. Et le prince n'usurpera rien de l'héritage du peuple, les fraudant de la possession qui leur appartient, seulement il laissera en héritage à ses fils, la possession qui lui appartient, afin qu'aucun de mon peuple ne soit chassé de sa possession. Puis il me mena par l'entrée qui était vers le côté de la porte, aux chambres saintes qui appartenaient aux sacrificateurs, lesquelles regardaient vers le septentrion, et voilà, il y avait un certain lieu aux deux côtés du fond, qui regardait vers l'occident. Et il me dit, c'est là le lieu auquel les sacrificateurs bouilliront le reste de la bête qu'on aura sacrifiée pour le délit, et le reste de la bête qu'on aura sacrifiée pour le péché, et où ils cuiront les gâteaux, afin qu'ils ne les emportent point au parvis extérieur pour en sanctifier le peuple. Puis il me fit sortir vers le parvis extérieur, et me fit traverser vers les quatre coins du parvis, et voici, il y avait un parvis à chaque coin du parvis. Tellement qu'aux quatre coins de ce parvis, Il y avait d'autres parvis qui y étaient joints, et ils étaient longs de 40 coudées, et larges de 30, et tous quatre avaient une même mesure, et avaient leurs quatre coins. Tous ces quatre parvis avaient une rangée de bâtiments élevés tout alentour, et ce qui était bâti au-dessous de ces rangées de bâtiments élevés tout alentour, c'était des lieux propres à cuire. Et il me dit, ce sont ici les cuisines, où ceux qui font le service de la maison, cuiront les sacrifices du peuple.